anciennes ont oublié et se réjouissent d'avoir donné leur âme. Quel geste sans fin pour ruiner les quelques nuits où t'as voulu convaincre l'ennui que t'étais trop heureux. Ton fauteuil t'attend bien sagement.